sur Skyrock. Tu me connais pas donc ne me prends pas la tête. Dans mes

chérie, c'est pas de Nevio. Arrête l'alcool, nettoie les bio. J'suis avec une poste, bad bad. Tous mes potes veulent la retweeter. Oui, une bad bad bad. Le mot d'ordre, c'est profiter. Profiter de la life, faire des sous et se barrer. Le monde tourne en rond, moi je suis dans le carré. You l'artiste, bim bim, et ta tête au carré. Sont-ils préparés? Soir c'est bon, fais là. J'vais finir à Messi. Marrakech, vérité. Algerino Skalpovic and the little head and little Nasi African tonic sahbi c'est correct. Bientôt le collège. Oui. Bientôt le collège. Bien pillé, bientôt le collège. Cordé. Hein? Bientôt le collège. Oui. Bientôt le collège. Ah bah. Bientôt le collège. Cordé. Même when they pay be and boo a boom fia. I hope a promo yen yen abu huntia. Or ya what time for jar no man in via. Yam wamu a moonsina boom pia. Sabu pemo a no men in a di. Nana nyameni ya wakano nebebe mo. Ta uma usa swabi ponyi ne tutu. So my body don't lose God. Ka wako madoye. Everybody sing it hallelujah. Hallelujah. Everybody sing it hallelujah. Hallelujah. Let's go. Let's sing oh. Let's sing oh yeah. Say let's sing oh.

DJ Kaze au contrôle de Rai Suprême comme chaque dimanche soir. Passez une bonne fin de week-end avec DJ Kaze avant de bien attaquer la semaine. C'est le rendez-vous incontournable, c'est Rai Suprême. C'est ça, tous les dimanches. Et on, contrairement à avant, on rallonge un petit peu. Avant, c'était une heure de mix. Et là, ça déborde les gens qui, en tout cas, ça fait plaisir. C'est ça, en tout cas, c'était au plaisir de tous les auditeurs. Et d'ailleurs, on va les dédicacer. Ouais, petite dédicace. Bien sûr, avec le hashtag Rai Suprême, on en a repéré quelques-uns. Il y a Samira qui écoute le solo, qui écoute solo dans son lit. Il y a Rémi qui rentre du bowling avec ses potes. Cool. Et il y a Malik qui fume la chicha dans sa chambre avec sa petite sœur. Voilà, bon, bah, ils racontent un peu leur vie, ça nous fait plaisir en même temps. Bon, aéré quand même, hein, parce que ça risque d'être enfumé assez rapidement pour la petite frangine. Bon, Kaze, on est reparti pour une nouvelle session. Go direct. Hein. Allez, c'est parti, DJ Kaze dans Rai Suprême. Ah non, un petit point aussi sur tes soirées. Tu nous as pas dit, attends, où tu vas être là cette semaine ou dans les jours qui viennent. Vendredi 13 novembre, donc je suis en Hollande, à Rotterdam. C'est au No Limit Club. Et le samedi 14, je suis en première partie dans le 77, ça s'appelle le Before. Et juste après, le Lexo à Thiers dans le 94. Donc pour les Parisiens, région de parisienne, voilà, les gens de la région parisienne. Et vendredi pour les Hollandais, les Belges qui nous écoutent. C'est pas mal aussi. C'est pas mal du tout, ouais. Allez, c'est reparti. Et là, c'est pour tout le monde. C'est Rai Suprême avec DJ Kaze au contrôle. Et seulement sur Skyrock. Dimanche soir, c'est Rai Suprême en direct sur Skyrock. Oh, on va casser fesses. Oh, oh, je baisse tout. Jamais je dirai je laisse tout. Oh, le coin il veut me test. Je débarque dans ta tête. Je fais des tours dans le quartier, c'est mort. J'lève ma main à des traites, leur dis. J'en mets un cours d'idée, ouais, j'en mets à sec. J'vois la lune coucher quand j'capte sur la A7. J'sais que les jaloux m'écoutent en cachette. Et au bête, ça m'écoute même en cassette. Ouais, jaloux. ceinture élevée. On a le sang chaud, Algérien danger. Oriental Dream 2015 de l'Alger. Ce soir c'est Kabaré, Kabaré, Habel Baro de l'Carabina. Je vais danser les Samira, Khadou, j'ai même Katarina. Hey wa, Yaz dans la poche, j'en ai là. Mon son tourne dans les caisses et dans les boîtes. J'suis dans mon bolide. Yeah.

m'en prends à l'une. Inonder les ondes, j'avais pas prévu d'y laisser mes os. L'argent t'a fait dire mon Dieu qu'il est beau. Quand j'éternue tout le monde te dit qu'il est drôle. Y'a rien à gémir, et même le frigo pute la gueule. Suis-moi, pour un coup d'épaule il te sort le gun. Hey one, j'suis toujours le number one. Fais-moi, fais-moi. Dans ce monde rien n'est gratos. Assise du lit, keuf te vélu. Tu connais la procédure. Tes noms sous restent à l'ombre un moment. J'ai cherché ce genre de mec à la fois gentil et comique. Il lui dit ok mais promets-moi d'être joli et soumise. Affirmatif, elle bouge la tête comme dans les conserves à gassonnie. Comme 80% des garçons, il lui dit qu'il est célibre. J'ai cherché ce genre de mec à la fois gentil et comique. Il lui dit ok mais promets-moi d'être joli et soumise. Affirmatif, elle bouge la tête comme dans les conserves à gassonnie. Comme 80% des garçons, il lui dit qu'il est célibre. Et on délise en haut. J'avais pas prévu d'y laisser mes os. L'argent t'a fait dire mon Dieu qu'il est beau. Y'a rien à gémir, et même le frigo pute la gueule. Suis-moi, pour un coup d'épaule, il te sort le gun. Hey one, j'suis toujours le number one. Et moi, fais-moi. Yo, c'est une arme, la hype est tourna. Baby, c'est une arme, c'est une arme, c'est une arme. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم انت معلم واحنا منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم واللي خلاك ما يفهم يجي انت معلم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم Scoot, take it, my son, me.

clean up your back and my way. Erode your position in the dance. When me pick up who I win, you take a look at me. Back up your pussy, then you wine good on long. Me ready to fuck you and don't me no no young. Your body can fix me back and so anytime you stand me, you want your back up, up and down. And your pussy not for pin and your dance. Music turn up, gala get wild, no you can't. Put on your body with me, no your dance. Can't hold it, so me know your panty nervous. Anytime you want your ass, no pan your way, pan your dirty brown and bust a bass. I'll bring a place so I'll kill this nigga. Gala love up, come and look a catty. This on car, panty, she catty talk to my bitch. Panty no dance. Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Direct sur Skyrock. Get you on my side. Laissez-moi dans mon monde. J'perds mes mots, j'sais plus quoi faire, t'es trop belle, tu m'as